morceau c'était Breeze, le groupe c'était The Man. Allez, un album de 7 morceaux que je vous conseille vivement d'écouter. Maintenant on continue, ou du moins on reste en 2020 et on va danser avec le fameux Looking For My Mind de Penny Harlow. Vous savez, dans Pop and Rock, bah écoutez, on adore les rockeuses, on aime bien les filles extravagantes et je crois qu'on va pas être déçus avec le tout premier album d'une fille qui s'appelle Penny Harlow. Sur RVR, on aime toujours les filles, alors imaginez quand on a les Thunder Mother avec nous, un groupe de filles, un album sorti en 2015, le morceau c'est Just a Tease. comme je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, dans notre Pop and Rock de ce soir, on va passer notre temps à écouter des morceaux des années 2020, mais remonter aussi un petit peu en arrière vers des morceaux beaucoup plus, allez, anciens. 82, Peter Gabriel, Shock the Monkey. Était une bonne année, mais le Peter Gabriel de 82 était pas mal non plus. Pas mal comme cet album de Baxter Dury qui vient de sortir. On a eu l'occasion de le découvrir la semaine passée dans Pop and Rock. On avait écouté trois morceaux, mais celui qu'on écoute ce soir me paraît incontournable dans le 7e album du dandy punk Baxter Dury avec le morceau Carla's Got a Boyfriend. Carla's got a boyfriend. He's got horrible trousers and a small car. Carla's got a boyfriend. spotted him on Instagram, followed him about a bit. Carla's got a boyfriend, a bit of designer hair, sloppy facial looks. Carla's got a boyfriend, I might take care of him to be honest. Promises I've made so many, been so wrong lately. Your eyes have left me lost all self-control. Got a problem. Carla's got a boyfriend. He looks like me. Promises. Punk des années 2020, on part maintenant avec le poète rock australien Roland S. Howard. Ça, c'est un morceau qui date du tout début des années 2000 ou de la fin des années 90. On écoute Pop Crimes, Roland S. Howard. Broke free. government left to its own device. The hand that used to hold my hand has grown bored of its delights. I guess that I won't see you tomorrow on this our planet of perpetual sorrows. Popcorns, these were popcorns. These were popcorns. These were popcorns. It was a popcorn. This was a popcorn. That there's a single soul in hell. It's just a wasteland of adversity, devoid of all but the sound of wedding bells. From this vast expanse of nothing, nothing good will come of this. But the hole in the zero and an open heart surgery kiss. This was a pop crime. It was a pop crime. This was a pop crime. It was a pop crime. It was a pop crime. This was a pop crime. Is that why you turned to stone? Or was that state reserved for me and me alone? Does the hissing of their carved snakes desiccate your soul? This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. This was a pop crime. It was a pop crime. Toujours bien calé dans Pop and Rock sur RVR et on va se prendre une petite dose de pop sucré, la pop sucrée d'une dénommée Haim, avec le morceau Now I'm In It, sorti en 2019 sur l'album du même nom. On écoute maintenant Haim. Bye. but I can hear my way around. No, I don't know which way I'm going, but I can hear my way around. No, I don't know which way I'm going, but I can hear my way around. No, I don't know which way I'm going, but I can hear my way around. But I can hear my way around. Nice to know my kind will be on my side. I don't believe that. Par les deux petits gars des 21 Pilots. Alors ce groupe, 21 Pilots, appartient à ces formations qui tournent avec deux artistes. 21 Pilots, c'est d'abord un batteur au look très coloré et un chanteur au tatouage envahissant. On vient d'écouter donc The Hype, issu de leur dernier album qui est paru en 2018. Et sans transition, on enchaîne avec Sonic Youth, les rockers alternatifs new-yorkais. We'll be right back. retour en 2018. Ce soir, c'est une année qu'on utilise pas mal pour le morceau suivant avec... après les Thunder Mother qu'on a écouté en début d'émission, je vous propose les Thunder Pussy. Pas beaucoup d'infos sur ce groupe que j'ai trouvé en grattant, en cherchant sur le net. On écoute Fever, le groupe s'appelle Thunder Pussy. Hey everybody. We are Thunder Pussy and we are very happy to be here. Fever, des Thunder Pussy, ça vous a plu? Allez, pour terminer, on va se quitter avec les trois derniers morceaux, mais là on fait avec du classique, avec de l'estampillé pop and rock. On va écouter tout d'abord le Brian Johnston Massacre, on l'enchaînera avec Placebo, et puis bien évidemment, un pop and rock sans PJ Harvey serait pas tout à fait un pop and rock, donc on continuera avec PJ Harvey, puis on aura une petite surprise pour terminer. Every me and every you, every prévu, on termine par la petite surprise du chef. C'est une découverte que j'ai faite il y a quelques semaines. L'artiste s'appelle Meg Myers. Elle avait repris le morceau de, rappelez-vous, de Kate Bush, vous vous souvenez? Nous, on va terminer avec le morceau qui s'appelle Desire. J'adore Meg Myers. Et je vous dis, moi, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bisous à tous. To my